France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un quartier de Paris comme un autre, pourrait-on avoir le réflexe d'ajouter, ce qui serait fautif, le fait même d'être un quartier, à Paris ou dans n'importe quelle ville en France ou ailleurs, signifie un ensemble de rues, de maisons, de boutiques, d'ateliers et d'humains qui fait historiquement un lieu différent des autres. Un quartier de Paris donc. Précisons, un micro-quartier. Mieux, une rue, la rue Ramponneau à Belleville, là où, jadis, des repousseurs de métal, des platiers d'étain travaillaient toute la journée et où, désormais étant 1998, date de la première diffusion de l'atelier de création radiophonique qui vient, où, désormais, des sculpteurs et des peintres occupent les cours et les conversations. Les colosses au pied d'argile. ACR, Atelier de création radiophonique. Des colosses au pied d'argile. Par Christine Delorme. Elisabeth Moritz, Anders Liden, Mictil Kaliski, Michael Printis, Françoise Gavarini, Pierre Peignot, Éric Terret, Marc Rizel, Suzelle Gallia. Urban Saxe et les pas de Yasmina, Eva, Paola. Groupe de réalisation. Françoise Cordet, Jean-Claude Aimé, Philippe Carminati, Benjamin Vignal, Clotilde Pivin. Des colosses au pied d'argile. Bonjour Christine, je vais essayer de répondre à tes questions. J'ai fait la connaissance avec la cour Ramponneau il y a environ 7 ans. J'habitais déjà à Belleville d'ailleurs. Anders m'a parlé des portes ouvertes et il m'a fait rencontrer Eric. À ce moment-là, je travaillais dans un atelier à Bagnolet. Je ne connaissais pas tellement d'artistes à Belleville et j'étais assez isolée quand je travaillais. Christian a invité Anders et moi d'exposer avec lui dans son atelier pour les portes ouvertes. C'était la première année des portes ouvertes d'ailleurs. On a été accueillis avec une très très grande gentillesse de tout le monde dans la cour. La première image de tout le monde était cette gentillesse, mais aussi une grande intégrité chez chacun. Quelques mois plus tard, il a fallu que je quitte l'atelier à Bagnolet et Eric m'a aidé à arranger que je puisse travailler dans un des locaux dans la cour. Puis quelques années plus tard, j'ai pu avoir un bail pour un autre local aussi dans la cour. Et là, j'ai travaillé depuis. Tu demandes s'il y a une relation entre mon travail et la sculpture. Je suis peintre, je travaille sur un langage abstrait et la forme sculpturale est importante. En arrivant dans la cour, je travaillais déjà comme ça. Je pense que le fait d'avoir travaillé entouré de sculpteurs pendant des années m'a encore plus sensibilité sur les formes et leur langage. En plus, j'ai tellement appris des choses sur la pierre et sur le bois à travers tout le monde dans la cour, ce qui m'a énormément apporté. Ça a été très très important. Et puis le rapport tout court avec tout le monde. L'été, quand il fait chaud, il y a des fleurs dans la cour, on prend un café ensemble dehors, on sort quelques chaises. Les portes des ateliers sont alors quasiment toujours ouvertes à ce moment-là. On discute au bord de la porte des ateliers. D'abord deux, puis il y a un autre qui arrive, et puis quelqu'un d'autre passe, et puis on parle. C'est très agréable. L'hiver, il fait froid. Tout le monde a froid et on parle beaucoup de ça. C'est plus difficile l'hiver à cause de ce froid dans les ateliers. Nous sommes installés ici dans ce petit appartement et nous avons une fenêtre de la cuisine qui donne un petit peu vers la cour. Et c'est par la fenêtre que j'ai constaté qu'il y avait des grandes pierres, des pierres sculptées, et que peut-être il y avait un atelier d'un sculpteur derrière. Et un après-midi, on a fait le tour autour du quartier. Et on est entré dans la cour et en vérité, il y avait des ateliers un peu partout. Et là, nous avons rencontré Eric Terret qui était en train de travailler un dimanche après-midi. Et on a parlé longtemps avec lui. Là. Et c'était intéressant de se trouver vraiment au milieu d'un quartier avec autant d'artistes. Et c'est de cette époque-là qu'on se trouvait assez bien ici à Belleville. On prend une place quand même, on prend un espace. Cet espace doit vraiment signifier quelque chose pour celui qui possède la sculpture. Il faut vraiment qu'il ait cet amour et cette envie d'une matière plus une expression. Cherche complètement autre chose que moi parce que moi je travaille dans une matière si fragile, ces papiers qui ne pèsent presque rien et avec de la lumière. Et les sculpteurs, c'est tout à fait autre chose. Je peux pas avoir vraiment des affinités réelles entre les deux. En 1973, je cherche un atelier. Mon atelier, donc, dans le Faubourg Saint-Antoine, à côté de la rue Trousseau, par là, avait brûlé. Dû à un laqueur qui faisait de la laque et qui a brûlé tout le petit temps passe. Donc, mon atelier a flambé. Donc, je cherche un atelier. À Belleville, il y avait à l'époque, c'était en plein aménagement. Donc, il y avait beaucoup de lieux libérés par des artisans. Et donc, j'ai trouvé, donc, au 48 rue Rampenneau, j'ai trouvé au fond de cour un genre de shed menuiserie que j'aurais adapté dans cet atelier que tu avais vu. Et il y avait donc, avant moi, il y avait donc Robert Rigaud qui travaillait à côté de... Et des fois, pour, où il apprenait, je ne me rappelle plus, mais il était avec Milo, le fameux Milo, qui est un artisan qui faisait de la repoussage des feuilles, etc., etc., quoi, en métal. Donc Robert a repris un atelier. Et puis après, je suis arrivé, c'était là où j'ai reconstruit le fond de cour. Petit à petit, le cours a pris vie, quoi. Cette vue avant, non, dans ton atelier? Pas d'en haut, non, puisque la mezzanine était au fond. Comme celle de Mechtilde et de Joséphine actuellement. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton atelier? Oh, est-ce que je vois la petite usine, là, de métal, l'atelier d'Éric, les vues d'en haut, les toits, les cheminées, les antennes de télé. Puis c'est dommage, il y a cet immeuble neuf devant qui coupe un peu la vue sur Paris, mais ça me manque pas vraiment. Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai plein de ciel, là. Parce qu'avant, j'avais une verrière. Bon, d'une façon générale, elle était recouverte de poussière, donc je voyais pas le ciel. Et maintenant, j'ai des espèces de trucs, des lanterneaux, ça s'appelle, et c'est opaque. Ça donne une lumière tamisée, mais tu vois pas à travers. Bon, puis il y a le petit jardin, mais actuellement, il est pas visible, quoi, parce qu'on a que les racines, les troncs, les branches dénudées. Mais sinon, c'est un petit coin de campagne, je trouve. On peut entrer ? Ça, c'est la vigne que j'ai taillée. Et c'est toi qui l'as plantée ? Oui. La vigne, elle a 20 ans. Ça veut dire que toi, tu as installé ici depuis 20 ans ? Plus ? Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de planter la vigne en arrivant ? Mon Dieu, planter ça ou autre chose... La différence est énorme. La vigne, celle-là, ça c'est du Baco. C'est très solide. C'est un cépage qui n'est pas travaillé, très sauvage, très résistant et proliférant. Et donc je savais qu'à Paris, il fallait que ça résiste à un mauvais sol, à des tas de maladies et tout ça. Et donc, comme j'avais ça à la campagne, cette vigne, ma grand-mère l'avait déjà. Donc, et tu prends un petit bout. Tu prends plusieurs petits bouts, tu les mets en terre et pousse ce qui pousse. Et là, tout a poussé. Et voilà. Et ça peut faire le tour de la cour. Si je la guide bien, ça peut faire 100 mètres. Sans problème. Alors que, et pour le moment, elle en est où ? Elle a souffert des travaux, elle a souffert du voisinage, parce que tout le monde n'accepterait pas vraiment d'avoir de la verdure sous sa fenêtre. Donc... je la fais courir plus ou moins selon la bonne volonté des voisins et leur acceptation, voilà. Et puis, donc, le temps des travaux, ils ont failli la flinguer, donc on l'a simplifié énormément, raccourci, bien sûr sans la tuer, parce que elle va repousser, et puis ça peut pousser de 10 mètres par an. Les racines sont très profondes. C'est pour ça qu'une vigne, on n'arrose jamais une vigne. Les racines font des kilomètres en souterrain. Elles vont chercher le frais et l'humide très très loin. Là où il y avait les anciennes carrières, vous pouvez... Bien sûr. Ben oui. Mais imagine, cette vigne-là, c'est une chose. Mais tous les pays de vigne, la vigne pousse dans des pays où il ne pleut pas pendant des mois. Le sol est sec. La vigne et le caillou s'aiment bien. Voilà. Et donc, a priori, il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas. Sauf dessous. Donc la vigne va la chercher, plante une salade, plein soleil, tu ne l'arroses pas, tu sais ce qui arrive. Une vigne, non. Donc c'est l'avantage aussi, pas d'entretien. Comme je ne suis pas en France maintenant, ça permet de regarder la cour avec un peu de distance, d'oublier des choses un peu moins drôles, parce que bien sûr, il y a aussi des petits inconvénients quand on travaille si proche de l'un et l'autre. Mais quand même, le plus important, c'est tout le moment fort qu'on a passé ensemble dans la cour. Chacun dans la cour m'a apporté quelque chose. Chacun à sa manière. Avant, il y avait aussi Anne-Sophie Menon, qui est très bonne sculptrice, qui travaille ailleurs maintenant. Mais on a beaucoup, beaucoup parlé de l'art et plein d'autres choses ensemble. Et avec tout le monde, d'ailleurs. Ça a été toujours très riche pour les échanges. Et puis, c'est difficile de parler comme ça, mais il y a eu 1000 petits événements, de petites choses entre les gens qui ont été importants. Par exemple, chacun travaille dans son atelier, mais il y a quand même un grand entraide entre tout le monde. Quand il faut besoin d'un coup de main, on peut toujours demander... les gens qui nous entourent. Et par exemple, quand il y avait quelque chose de lourd qu'il fallait transporter, on voyait tous les sculpteurs rassemblés, discuter de quelle manière qu'il fallait soulever la pierre, comment il fallait faire pour la rentrer dans son atelier. Et tout ça, c'était des moments très agréables. Ah, mince, qu'est-ce que je parle mal. Mon atelier, je l'adore. Elle est assez sombre, mais parfaite quand même. Et j'ai pu vraiment bien travailler là. Ça aide d'avoir un atelier à soi où on a travaillé depuis des années. La présence de peintures déjà faites est comme collée dans le mur. L'atmosphère est chargée de ce processus qu'on mène dans le travail. Et on n'a qu'à rentrer dans l'atelier et on est déjà enveloppé dans ça. Même quand je ne suis pas maintenant, cet atelier est dans moi. Et il continue de m'envelopper. À l'intérieur de l'atelier de chacun, il y a vraiment l'univers de cette personne-là. Même la matière choisie, c'est déjà comme un portrait du sculpteur lui-même. De voir ça à travers le temps, de voir de ce développement de cette personne-là à partir d'un travail et du développement de la sculpture aussi, bien sûr. Ça, c'est un privilège de voir ça de proche. Et on apprend beaucoup de ça aussi. Bon, désolée Christine, j'espère que ça va aller. Je t'embrasse fort, hein. Dans cet atelier, j'ai découvert le granit noir et là, je me suis mis à fond la caisse là-dessus. Ça m'a beaucoup plu et d'ailleurs, ça me plaît toujours, même 20 ans après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après que j'ai découvert le granit, c'est toujours un petit réseau. On n'est pas beaucoup de sculpteurs, artistes qui travaillent la pierre. Tant qu'on se connaît, on s'entraide un peu. Et là, surtout dans la cour, il y avait cette côté de fraternité. Moi, j'avais fait mes connaissances. J'ai dit, tiens, il y a un atelier à louer. Alors, il y avait Mike Sprogis qui est venu. D'ailleurs, un deuxième atelier à louer, je l'ai loué, même que Mike était sur un chantier. Je lui ai loué en sachant qu'il l'a voulu. Et après, il y avait donc Christian Guimain qui l'a repris. Et après, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore oh là là, ça fait... Bah, je suis quatrième ou cinquième génération. Et Pierre Peignot qui était... Bah, Peignot était un des origines, d'origine, là. Il était là juste après moi. Il y avait Charles Correa qui est mort, mais lui, c'était surtout dans le bronze. Et on faisait tout un petit clic de sculpteurs venant de différents coins du monde, d'ailleurs. Il y avait Mike Sprogis venant du Canada. Lui, il faisait aussi la pierre, enfin, surtout le granit. Cette énergie attirait pas mal de sculpteurs. Et je pense que maintenant, il y a une troisième génération où je pense qu'il doit y avoir des peintres qui sont venus. Et ça, c'est du plus haut courant que moi. Prentice avait donc son endroit ici, son atelier ici, avec plein de gens qui l'aidaient ou qui le fraquentaient ici. Et il a dit, bon, tu veux recommencer la sculpture, ben, va voir si tu l'aimes toujours et polis-moi ce granit-là. Et le jour même, j'ai commencé à polir son granit, c'était un oiseau, je me rappelle. Et ça m'a repris comme une vieille fièvre. Et j'ai dit, mon Dieu, je dois recommencer la sculpture, c'est la seule chose qui va m'aider. Parce que j'étais par terre avec la mort de mon mari, j'étais naturellement très, très, vraiment détruite, enfin, d'une certaine façon. Et ça m'a tellement fait du bien de travailler de mes mains. C'était Merveilleux de recommencer. Puis je voyais qu'entre-temps, après mon grand arrêt, il y a eu plein de machines, enfin des scies, des choses, tout ce que je ne connaissais pas. J'étais un tailleur de pierre à la main, un sculpteur, j'étais même rapide, mais je taillais que à la main. J'avais déjà exposé, mais j'ai arrêté des années à cause de mes enfants et ma vie. Et donc j'ai recommencé là, en reprenant du courage à voir que je pouvais m'aider de toutes sortes de machines, à aller plus vite et rattraper tout ce que je n'avais pas fait. Mictil, je l'ai fait venir à déjeuner rue de Belleville chez Loulou, chez Lalou. À la suite d'un coup de téléphone d'un ami belge qui disait qu'il connaissait une femme qui était sculpteur auparavant. Alors j'ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas travailler dans mon atelier, toi qui as fait la sculpture? Elle venait de perdre son mari, qui est l'écrivain Kalinski. Et alors elle était un petit peu se retrouvant seule avec deux enfants à élever. Et alors voilà, elle a commencé à faire la sculpture, recommencé à faire la sculpture. On s'est mutuellement encouragés et elle a repris l'atelier. À la suite de quelques années, qui était une partie où j'avais habité. Je travaille beaucoup plus ici, dans un temps limité, ça c'est sûr. C'est comme si le temps glisse un peu à travers les doigts chez moi, en travaillant, pendant que je travaille. Quand j'ai repris cet atelier, et ça c'est général, je vois par exemple mes voisins, on leur a reconstruit leurs ateliers. C'est fabuleux parce que normalement, ils disparaissaient. Donc quelque part c'est une victoire, ça dépend pas de nous. Mais quand je prends mes voisins, ils viennent d'entrer dans leur lieu, ils se sentent pas chez eux. Moi quand j'ai racheté le bail de l'atelier de Michel Prentice, j'ai mis plusieurs années à me dire « Ah, c'est mon atelier !» Parce qu'elle était empreinte de son passage, c'était sa disposition, etc. Har drömt i natt om en slakt eller utrotning av korpar. Det erinrar jag mig först på förmiddagen när jag är på väg mot bagarstugan. Två korpar flaxar långsamt på hög höjd över huset. Très peu de gens qui habitent là, bien sûr. C'est un paysage assez sauvage et désert. Je me sens très bien là aussi parce qu'il y a une très grande solitude, un grand silence. Mais peut-être je profite beaucoup de mener une vie un peu semi-nomadique, d'avoir des séjours ici de quelques semaines ou jusqu'à un mois, et ensuite de retourner chez moi où il y a une... C'est un changement complet de situation. J'aime bien les changements là aussi. De retourner après un séjour ici à Paris, vraiment je suis content de retourner chez moi, dans cette solitude, la limpidité, la fraîcheur de l'air et la nature là-bas. Les étoiles qu'on peut voir là, bien plus clairement qu'ici. Ça me manque ici, à Paris, les étoiles, peut-être. Cette nuit, j'ai rêvé d'un massacre ou d'une extermination des corbeaux. C'est quelque chose dont je me souviens d'abord le matin, quand je suis sur le chemin contre le Bagarstugan, une petite grange à côté de la maison. Deux corbeaux volent dans une grande altitude au-dessus de la maison. Bon, au départ, je suis ébéniste. J'ai travaillé pendant 5 ans dans l'ébénisterie et après, je suis arrivé dans le granit. Moi, j'avais une bourse de la Société d'encouragement au métier d'art. Je pouvais avoir une bourse. La seule chose qui me manquait, c'était le formateur. Je suis allé voir tous les sculpteurs d'ornementation, Renouvel, Fancelli, etc., tous ces gens-là, le Couvéo, et ils ont pas voulu de moi. Ils disaient, restez dans l'ébénisterie, ce que vous faites, c'est bien. Je m'amusais à faire des commodes bordelaises, des commodes galbées, etc. Ils disaient, mais restez là, vous serez très bien. Ce n'est pas un sculpture. Et donc, je cherchais. Et si je ne trouvais pas, j'avais pas cette bourse. Et donc, je suis venu voir... le premier sculpteur que je suis venu voir dans la cour ici, c'est Peignot. Et puis après, donc, je suis arrivé au fond de la cour. Pierre Peignot, se sentait pas... ça remonte à presque 20 ans, il était jeune, il se sentait pas la capacité de prendre quelqu'un dans son atelier, c'est pas évident du tout. Moi, depuis 2 semaines, j'ai quelqu'un, c'est absolument pas évident. Les 2 semaines avant qu'elle arrive, moi j'étais quasiment paniqué, et carrément paniqué, en me disant, mais ça y est, je suis plus tranquille dans mon atelier, je vais avoir quelqu'un à temps plein. Je suis arrivé ici, et le sculpteur qui travaillait là, lui, il travaillait le granit. Et il m'a demandé si je savais travailler le granit, et je lui ai menti, j'ai dit oui. Alors que j'avais jamais touché un bout de pierre, même un bout de calcaire. Là, dans la cour, c'est vrai que je me sens pas proche comme démarche de mes voisins et qui m'aident d'ailleurs, qui m'ont donné plein de conseils techniques. Mais sur le plan de la démarche, je pense que je suis pas proche du tout. Moi, je suis venue très tard à la sculpture, donc ils m'ont appris des choses techniques que je ne savais pas. Quelquefois, je veux faire des choses et il me manque, je ne sais pas quel outil employer, ou j'ai pas l'outil, je voudrais l'essayer avant de l'acheter. Et donc, on échange beaucoup sur ce plan-là, oui, c'est important. En tout cas, vous, votre atelier, c'est le moins poussiéreux de tous les sculpteurs. Forcément, je viens de m'installer, je n'ai pas travaillé la pierre. Je démarre par des terres et du bois, et le bois, je ne l'ai pas travaillé à la machine. La poussière, c'est la machine qui fait la poussière. À partir du moment où on travaille à la main, on a des morceaux, mais plus ou moins gros. Mais on n'a pas franchement la poussière que provoque une meuleuse. Mais là, il est tout neuf. J'ai du mal d'ailleurs à l'habiter, ça prend un certain temps. Je pense que même dans la sculpture que je vais faire, là, c'est différent. Je suis plus dans le vieil atelier avec son histoire, ses odeurs, son caractère. Principal, j'étais assistante à la réalisation sur des longs métrages de fiction. Il n'y a pas de logique. Ah. Alors d'où cette soudaine pulsion? Et ben justement, j'ai fait un court métrage sur mon père, qui était sculpteur sur bois principalement. Et sans doute que du fait que mon père soit sculpteur, ça m'a toujours à la fois intéressée et à la fois ça m'est jamais venu à l'idée que ce serait quelque chose qui pourrait me faire un monde, parce que il y avait une impossibilité psychique de penser que ce boulot-là pouvait m'intéresser, parce que c'était celui de mon père, tout simplement. Et puis... C'était le travail d'un homme aussi, pas peut-être une femme, non? Il y avait de ça dedans. Il y avait de ça sans doute, parce que mon père, bien qu'après, il ait dénié ses propos, mais je me souviens, une petite fille qui disait que c'était... que c'était pas, de toute façon, que c'était pas un boulot pour une femme. Il avait même dit qu'une femme était incapable de pouvoir. Mais ça, alors après, il était fou de rage quand je lui rappelais ça. Mais de voir dans l'espace, enfin, tu vois, les trois dimensions, de pouvoir projeter, parce que c'est une des choses fondamentales en sculpture, de pouvoir voir le volume, quoi, de, à partir justement d'une pierre ou je sais pas quoi, de percevoir les trois dimensions. Il avait le culot de dire que ça, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas concevoir un esprit féminin, tu vois. Bon, c'était il y a longtemps, après il a changé, après il y a eu. Il y a eu Camille Claudel. Moi, je voulais être chercheur en physique nucléaire. Avant. La physique, c'est la matière aussi. Je veux dire, c'est quelque chose de concret. C'est pas les mathématiques, c'est quelque chose d'appliqué. Alors peut-être c'est ça la relation. Une autre raison aussi pourquoi la sculpture, c'est que ma mère est élevée dans un milieu avec des valeurs bourgeoises et mon père était élevé dans un milieu avec des valeurs plutôt ouvrières. Et dans la sculpture, on peut aussi réunir les deux. Donc, dans la sculpture, je peux réunir les valeurs de mon père et de ma mère. C'est ça que je voulais dire. Peut-être. Sans doute que ça a été la première fois où j'avais l'autorisation, entre guillemets, légale, comme ça, il y avait un support extérieur, il y avait un alibi qui était de pouvoir le voir travailler, parce que c'était impossible, il ne supportait pas ça, dès qu'on arrivait à son atelier, il arrêtait tout, il travaillait dehors sous un espèce de vent, mais comme c'était dans la montagne, à côté de Grenoble, oui, sur les pentes de la Chartreuse, j'étais élevée là. Donc il travaillait comme ça en plein air, mais dès qu'on arrivait de son atelier, près de l'atelier, il arrêtait tout. Et moi, je me souviens de cette frustration de ne pas pouvoir le voir travailler. Parce qu'il disait que c'était pas intéressant, que ça servait à rien, de toute façon que ça allait si lentement qu'il n'y avait rien à voir, rien à voir circuler. Mais bon, je voyais quand même les choses terminées, ou ça m'intéressait, mais j'étais sans doute même un peu fascinée. Et de pouvoir faire ce film, pour moi, c'était comme le prétexte de pouvoir poser une caméra là et lui dire, maintenant tu sculptes et je te filme. Et il a joué le jeu, il a bien voulu, ce qui était quand même assez... Bon, je ne pensais pas que ça serait possible. Et sans doute, on peut le dire ça après, tu vois, que ça a été comme un déclencheur ou comme, je ne sais pas quoi, au niveau complètement inconscient. Et un beau jour, j'ai pris de la terre, j'ai fait deux, trois trucs, et puis il y avait une évidence, et puis après, j'ai taillé un petit peu le bois, et puis après, je me suis tombée sur des cailloux. Et puis très vite, j'ai arrêté de travailler dans le cinéma parce que j'arrivais plus à faire les deux choses. Justement avec mon rencontre là avec Éric Théré, qui était pas vraiment un pur hasard, parce que c'était peut-être plusieurs mois plus tard que nous avons eu un petit dîner ici avec Elisabeth Moritz et son mari et quelques autres. Ils sont venus, ils sont restés je crois jusqu'à 4 heures le matin, on parlait toute la nuit. Éric a raconté les histoires de la cour. Et à la fin, il a aussi expliqué qu'il préparait quelque chose de complètement nouveau, c'était les portes ouvertes. On venait de former l'association. Et il m'a proposé aussi de participer, et à Elisabeth. Et à l'époque, on ne pouvait pas penser qu'on pourrait ouvrir notre appartement ici, par exemple, au public, parce que c'est trop serré ici, trop petit. Mais en discutant avec Éric, il paraissait qu'il y avait des possibilités d'être invité chez les sculpteurs Et Elisabeth Moritz et moi, nous nous sommes partagés à l'atelier de Christian Guillemin, qui avait un grand atelier dans la cour. Et là, c'était la première porte ouverte ici à Belleville. C'était une grande fête pour nous tous, je crois. Parce qu'il y avait pas seulement des expositions dans la cour, mais aussi des petits événements, des concerts et des chanteurs qui sont venus. Un grand programme culturel. Ce que nous ne savions pas à cette époque, quand on a fait la première porte ouverte, c'était qu'il y avait un sculpteur, un jeune sculpteur suédois dans la cour, qui s'appelait Mark Ritzel. Lui, il avait fui, je crois, les Zénons. Il ne voulait pas participer la première année, mais la seconde année, il voulait bien participer lui aussi. Je pense que c'était la deuxième année que j'ai exposé avec lui. Tandis que Elisabeth et une peintre hollandaise, Olga van de Bovenkamp, ils ont loué un atelier qui était vide. Ils ont exposé là ensemble. Et après cela, j'ai participé tout le temps avec Mark Ritzel et on a fait des expositions ensemble en Israël, plusieurs expositions en Suède aussi. Et on a continué ici dans la cour. On voit mieux. Ça cause pas tout seul? Non. Aïe, aïe, aïe. Non. Alors, bon, je commence comme ça. Visiblement, c'est un os. Ah ouais. Il était beau. C'est une sculpture, un os. Tellement beau. N'importe lequel. Il n'y a pas d'os vilain. Ça n'existe pas. Donc, cet os tout beau comme il était, posé sur une étagère pendant longtemps, tout d'un coup, il a eu envie de changer de vie, voilà, ou d'avoir une autre vie. Et il a trouvé le moyen de s'enterrer, de vivre plusieurs siècles ou millénaires, et de devenir fossile. L'histoire, c'est l'ancienneté, l'émotion, l'activité archéologique est très répandue. C'est très émouvant de découvrir des choses du passé. Et alors, donc, là, j'ai fait une espèce de résumé ou de concentré de. J'ai essayé de faire un concentré de cette émotion que l'on a en découvrant quelque chose qui a existé il y a si longtemps, tellement chargé de poésie, d'émotions et toutes ces sortes de choses. Voilà. Et donc vous le reproduisez en calcaire? Alors, moitié-moitié. Il est moitié découvert, moitié enterré. Donc il y a. Après, c'est pas, tout ça n'est pas logique. Il y a des licences poétiques, disons poétiques, il ne faut pas que je les dise trop, parce qu'on va croire que je me prends pour un poète. Mais disons qu'il n'y a pas une explication rationnelle, systématique, à tous les coups. Bon, après, il y a une imagination qui s'installe et qui fait que. Vous l'avez exposé, cette sculpture? Oui, une fois aux portes ouvertes de Ménilmontant. Ouais. C'est tout. Alors, si. Il faut que je me mouche. Sinusite chronique due à la poussière de pierre. Ah. Ça coule. Voilà. C'est pas du rhume. Oui. Bon, chaque fois que je la vois, je repère des choses qui sont pas au point. Par exemple, là, j'ai noté, parce que des fois j'oublie. J'ai essayé de me relire hier soir. Manque de densité, c'est un peu maigrichon. Ce petit trait-là. Manque d'ampleur, de souffle. Voilà, cette fissure. Donc j'ai l'élargir. Avec un petit coup de sablage, comme ça. Tac. Je ne sais pas encore comment. Ça viendra. En fait, j'essaye toujours de faire comme si ça avait toujours été là. Voilà. J'essaye de tromper le monde. Combien ça fait à combien? Le bronze là, 13,50. 13,50. Et 12,80 celui-là. C'est votre dernier jour de travail, non? C'est mon dernier jour de travail, oui, je pars à la retraite ce soir. Là, je vais faire le système de coulée. Vous voyez, c'est un masque. C'est le masque d'un sculpteur, d'ailleurs, qui lui s'est moulé en plâtre et j'essaye de l'immortaliser en bronze, quoi. Voilà. Alors là, c'est, je vais en faire le système de coulée. Le métal va donc rentrer par là, va passer à travers un filtre, passer ici et alimenter la pièce par les chenaux que j'ai fait là. Ça, c'est l'autre côté. Hein. Ça, c'est le négatif, ça va comme ça. Voilà, comme un sandwich. Comme un sandwich. Donc, c'est des petites galeries souterraines. Et le métal, il rentre dans les galeries souterraines et nourrit. Et amène. C'est parti. Ça va être... Parce que d'ici et là, il y a un espace. Oui, oui, oui. Oui. Et je vais vous montrer le modèle qui est d'ailleurs en. Le modèle, vous voyez, il y a une épaisseur qui est à peu près de 5 mm. Et vous avez eu un contact avec le sculpteur ou oui, je le connais très bien. Il vient depuis des années ici, il travaille ici, on travaille ensemble. Il s'appelle comment? Salgado. C'est-à-dire que vous travaillez avec pas mal de sculpteurs? Oui, c'est ça, les gens viennent, il y en a ici qui font leur moule eux-mêmes, quoi. Je les dirige, je les guide, ils font leur moule eux-mêmes et... Comme ça, ils ont l'impression d'avoir mené leur œuvre du début à la fin. Et après, ils finissent leurs pièces. Lui, il finit ses pièces chez lui. Il est cisèle, patine, tout. Il fait tout seul. Pratiquement, bon, bien sûr, le métier, il faut quand même une expérience. Alors ça, je suis là pour les aider. Et après, ils arrivent à faire le travail eux-mêmes. Parce que lui, en général, toutes ses œuvres ont une petite histoire. Surtout au dos de ses œuvres, il y a un petit texte qui raconte une histoire. Et ça, je sais pas. On a l'impression que c'est un masque mortuaire. Oui, mais enfin, c'est pas un masque mortuaire. Oui. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, bien sûr. C'est l'effet que ça donne. J'aime pas ce genre de masque pris sur le visage. Parce que... ben, c'est un masque mortuaire parce qu'il a les yeux fermés. Oui, mais c'est difficile. Il bouge pas. C'est difficile de faire un élastomère. C'est ce qu'il faut. Ben, voilà. Oui. Mais enfin, s'il avait eu un petit peu. Il aurait pu essayer de, sur le plâtre, avant de couler son élastomère, ouvrir les yeux, ça aurait donné une autre impression. Mais malgré tout, ça fait toujours bizarre ce genre de choses. Moi, j'aime pas. Le mouleur qui parle du moulage. Mais j'aime pas. Faut que je termine ça, parce que ça va être coulé très bientôt. Ça, c'est une pierre de récupération qui vient de Carrare, mais il y a certainement 100 ans. De mon avis, elle avait déjà servi de seuil d'une banque. Et quand je l'ai taillée, je l'ai donc récupérée après une destruction d'un bâtiment. Mais bon, ça, c'était du moins un seuil de banque. Alors, j'ai vraiment senti que des milliers ou des millions d'hommes, peut-être, ont dû marcher dessus parce qu'elle était dure comme l'acier. C'était infernal à tailler. Alors que le marbre, tout frais, sorti d'une carrière, c'est tendre comme du beurre, presque. Mais celui-là, il était si dur qu'à chaque éclat qui m'atteignait au visage, ça saignait, tellement qu'il était pointu comme du verre. Terrible. La pierre se densifie hein, avec le temps. Comme les colonnes des temples grecs, elles prennent du ventre, on peut le voir. Elles étaient droites il y a des siècles, maintenant elles ont 1 ou 2 centimètres de tassement. D'ailleurs, elle a déjà été enterrée. Comme tu vois ici, le gris, ça c'est une patine de 10 ans de terre. Elle a été enterrée quand je l'avais faite et puis je l'ai retravaillée. Comme on le fait avec le bronze d'ailleurs. On peut enterrer un bronze dans une terre acide et elle va avoir une patine magnifique dans les 10 ou 20 ans ou peut-être 5 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas l'expérience, mais ça existe, oui, oui. On peut savoir les patines des terres différentes. Celle-là, je n'ai même pas essayé parce que bon, cette boule, y a une, en surface, il y a une couche d'érosion. C'est... Parce que si elle est devenue boule, c'est parce que l'érosion a fait son travail en quelques millions d'années. Et donc, en surface, donc le cœur était parfaitement sain, mais en surface, il y a une couche qui a subi l'érosion, qui a commencé à être oxydée, transformée, dissoute. Donc, sonner une boule d'érosion, c'est pas la peine. Voilà. Parce qu'on n'a pas accès directement au matériau sain à cœur. Voilà. Enfin, il n'y a pas toujours besoin de sonner les pierres. Certaines révèlent leurs défauts à l'œil, tout simplement. Par exemple, un granit, vous le mouillez, et il va sécher. Vous le mouillez légèrement, il sèche. Il séchera très vite en surface, et s'il y a une fissure, l'eau ayant pénétré un peu plus profondément dans la fissure, cette fissure va apparaître en mouillé, sur une surface sèche. Donc, on sait que là, il y a une fissure. Après, reste à déterminer si elle va loin ou si elle s'arrête à 2 cm. Voilà, c'est autre chose. Donc, l'œil peut suffire. On a tous toujours une histoire, si vous voulez, parce que chaque pièce m'a procuré quelques angoisses, des soucis. Parce que le moulage, c'est pas un métier comme un autre. C'est-à-dire que vous pouvez travailler pendant 8 jours, 15 jours sur un moule, et puis au dernier moment, quand vous avez coulé la pièce, il y a un gros défaut que vous ne soupçonniez pas, quelque chose qui arrive. Alors jusqu'à la dernière minute, on peut être angoissé. Moi, je vous dis que je finis aujourd'hui, ben, on a coulé une grosse pièce, c'est avant-hier, lundi. Et jusqu'au dernier moment, ça serre un petit peu en disant est-ce qu'elle va être bonne, est-ce qu'il n'y aura pas un trou, est-ce que le métal est allé partout. Et puis en fait, ça s'est bien passé, je suis très content, c'est ma dernière grosse pièce. Et c'est bien passé, pas mieux. Mais en fait, à chaque fois, c'est une angoisse. À chaque fois, c'est une angoisse, oui. À chaque fois. C'est une pièce où j'ai travaillé 15 jours dessus. Il suffit d'une minute et ça y est, tout est annulé, il n'y a plus rien, il faut tout recouper, tout reprendre. Ça arrive malheureusement. Ça arrive. Parce que le mouleur qui vous dit moi j'ai fait que des pièces bonnes, vous pouvez lui dire tout de suite c'est un menteur. Parce que à tout le monde, il arrive de faire des pièces mauvaises. Il y a des malvenus, il y a une partie de châssis qui se déforme. C'est un métier à imprévu. Et est-ce que vous appelez une pièce mauvaise? Est-ce que ça peut arriver que le sculpteur, lui, la trouve intéressante? Ça arrive. ça arrive. Et ça, ça me gêne un peu. Parce que pour moi, c'est toujours une pièce qui a un défaut. Et le sculpteur dit, mais c'est intéressant ça. Regardez, ce Malvin, ça a une forme particulière que je ne souhaitais pas et qui est réussie. C'est arrivé. Mais moi, personnellement, je n'aime pas. Hein. Parce que je vois que le défaut qui reste. C'est le divan de l'analyste ou bien le lit de Procuste. Je ne sais pas si tu connais la légende de Procuste. C'était un homme dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque, qui recevait chez lui les voyageurs et leur donnait un lit. Mais s'ils étaient trop grands, il les coupait un bout. S'ils étaient trop petits, il les étirait un peu. Et finalement, ça ressemble peut-être un peu au divan de l'analyste. Alors là, j'ai fait un lit de pierre avec des bosses... Assez volumineux, qui doivent rentrer dans le dos, et des sangles en caoutchouc pour attacher la personne. Mais enfin, comme tu vois, la personne est partie, en laissant les sangles dans tous les sens. Allô ? Ouais. Ça va, Yael ? Ça va bien ? Est-ce qu'il y a une histoire à l'atelier ? Est-ce qu'il y a d'autres sculpteurs qui ont travaillé avant vous? Oh, il y a une longue histoire. Bah, premièrement, quand je l'ai loué, je n'avais pas besoin. C'était l'occasion, j'étais tout le temps donc en déplacement, en chantier, justement. Parce que je travaillais à l'extérieur pour d'autres sculpteurs. Et pour moi aussi, dans le bâtiment. Et donc, je l'ai passé à un copain, charpentier, qui a fait ce toit qui maintenant est neuf. Il avait fait ce toit. Bon. Et puis après, j'étais la moitié du temps seulement à l'atelier, toujours à l'extérieur. Donc d'autres gens sont venus. Et ici, le plus longuement était un plaquier d'étain. Son étuve, son établi, ses modèles, tac tac, il est moulé ses modèles en sable. Et passer à l'étuve pour sécher le sable. Je montre de ce côté-là parce que c'est là où il y a l'évacuation des fumées, le conduit, et couler. Alors j'ai appris plein de choses à l'observer. Et après, il y a eu des architectes qui devaient faire des stages en entreprise, qui sont restés 2 ans. Et puis... après, il y a eu un autre sculpteur qui est resté, oh là là, bien 5 ans. Oui. Oui. Anne-Sophie. Anne-Sophie, ouais. La cour aussi. Oui, qui est maintenant un peu plus bas. Voilà. Oui, voilà. Et d'autres choses que j'oublie, bien sûr. Et vous, vous êtes formé par qui? Formé par qui? Ha. Comme sculpteur. Comme sculpteur. Que dire? Mixte, tout seul, quand on essaye et qu'on se casse la gueule, on recommence pas, l'observation, et sinon j'ai été assistant de Coutel pendant 6 ans, 7 ans. Donc j'ai travaillé avec lui, pour lui. Coutel qui est un atelier un peu plus haut, voilà. À... Rue de la Mare. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion avec lui d'aller partout en France dans les carrières. Donc j'ai connu beaucoup de pierres différentes, beaucoup de coins différents, c'était formidable. Et puis j'ai rencontré d'autres sculpteurs, ses collègues, j'ai eu l'occasion de parler avec eux, de voir beaucoup de choses. Et puis Coutel parlait beaucoup de la gestation d'une sculpture. Évidemment, ça a été très formateur. En fait, il y a la période de rue Bafroid, rue Charles de l'Écluse. C'est la période premier atelier qui a brûlé, donc dans l'11e, qui s'est terminée plus ou moins dans les années 74-75, si je me rappelle bien. Après ça, je suis monté à Belleville. Je trouvais donc la rue Ramponneau. Deuxième période, si on peut dire, une période plutôt concentrée, travail de création pure, le désir, la pêche de produire des sculptures et l'ego qui va avec, grand ego, grand orgueil peut-être, si on peut dire, mais nécessaire comme fuel pour le moteur. Donc, période de concentration qui termine avec un divorce éventuel dans les coulisses qui bouleverse et en même temps un changement d'atelier aussi au moment du divorce. Enfin, tout, une séparation premièrement après un divorce et surtout une exposition, une belle exposition, belle dans le sens que c'était une exposition à New York ou avec un choix de carrière. Et le choix de carrière, c'était rester à Paris et continuer de faire de la sculpture à Paris ou partir à New York avec le marchand et le merchandising américain, le « tu dois rester ici 6 mois de l'année parce que comme ça on va voir les cocktails, on va faire connaissance des gens autour, enfin faire ce qu'il faut faire pour être un professionnel commercial de la sculpture ». Et décider de le divorce, la séparation, tout ça qui arrivait, changement d'atelier, tout ça paraissait un peu dur. Alors donc j'ai opté de rester. Et ça c'était la période, disons, grande entreprise qui commençait en 85 avec l'exposition de la Salon des artistes décorateurs et un stand sur lequel on a chargé 2 semi-remorques pour entrer au milieu du Grand Palais. Et on avait un stand qui a fait du bruit, qui était le paysage des dieux l'art avec des pièces de 4 tonnes, une cuisine, des portes en granit de 3,5 tonnes, un stand de 80 mètres carrés, 17 meubles en granit. Et on a fait, j'ai changé un peu, je me voyais arriver stupidement, ou en tout cas, je me voyais un peu plus arriver. Après ça, donc, je commençais à chercher les architectes et travailler sur des projets architecturaux en coordination, amener un bout de créativité et mes connaissances de pierre, qui aboutit avec la fontaine donc à la Défense de 650 mètres carrés sur le thème des solstices. Et j'ai quitté donc la rue Ramponneau à cette époque-là en 85. Et c'est même pas moi qui a fait le déménagement. Je n'ai pas pu déménager l'atelier, c'est Eric. Et j'ai dit, écoute, moi je peux pas le faire. Tu jettes ce que tu as envie de jeter, tu gardes ce que tu veux garder, tu m'amènes ce que tu penses que j'aurais besoin. Il faut nouveau, il faut démolir ou quitter et passer dans une autre ambiance, un autre moment. Et là, l'Inde, période indienne, je suis arrivé, quoi. En fait, ça n'est jamais arrivé. On est arrivé que le matin quand on commence à travailler. Et le soir, on part et peut-être demain matin ou le lendemain, on ne sera pas arrivé, il faut arriver, quoi. Donc, alors, le dégonflage total avec, finalement, en 88, 1er juin, un énorme gonflage de tête, donc, avec le fameux feu, deuxième feu de mon atelier, avec les invités, 350 personnes à l'intérieur, grand coup de marteau sur la tête, l'atelier démoli entièrement, perdant 40 pièces. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai soulevé, enfin, on a enlevé les 2 stèles qui faisaient 25 tonnes chacun, de 2 semi-remorques, 8h, 9h du matin, comme prévu, le jour après le feu. Et les gens m'ont un peu rapproché que je continue comme d'habitude. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a les camionneurs, il y a l'exposition de la Villette. Je ne peux pas, parce que j'ai eu une catastrophe gigantesque, me coucher dans un coin et pleurer. Il fallait, et les camionneurs, ils m'ont dit, mais il est où là, le prentice pour décharger? Et la grue, elle est là, la 45 tonnes, il faut la décharger, les pièces. Il y a tellement de façons de faire de la sculpture. Il ne faut absolument pas imaginer vivre de sa sculpture avant 15 ou 20 ans de travail. Et vous vivez de votre sculpture? Je commence, mais j'ai 40 ans. Et aussi, il faut savoir une autre chose, c'est que contrairement à la ligne politique actuelle, il n'a jamais été honteux pour Rodin, pour Bourdelle, pour Isamu Noguchi, pour tous ces gens-là, de travailler chez des gens avant et de se former. Rodin, il a commencé à vivre de sa sculpture, il avait 45 ans. Bourdelle, c'est la même chose. Tous ces gens-là, c'est pareil. Tout le monde a travaillé chez des sculpteurs avant. Vous avez travaillé chez quel sculpteur? Mais oui, moi j'ai travaillé chez Preti, j'ai travaillé pour des tas d'autres gens. J'ai travaillé un peu pour Coutel, j'ai travaillé pour Manu Zurini, j'ai travaillé pour Piotr Kowalski, j'ai travaillé pour Marta Pan, j'ai travaillé pour plein de gens différents. Ce sont des créatifs, ce sont des gens qui conçoivent leurs sculptures et qui souvent font appel à d'autres personnes ou à d'autres ateliers pour les réaliser. Ça, c'est courant? C'est très courant. Moi, j'ai monté mon atelier comme ça. Et c'est précisément ça que je disais à cette stagiaire. Je disais, moi, j'ai pu monter, d'abord racheter le bail de l'atelier, acheter un aspirateur de cette ampleur, des machines, grâce à ça. Maintenant, bon, j'en suis à ma 7e ou 8e sculpture monumentale, j'arrive à payer des impôts, ce que je n'ai pas fait pendant 15 ans. En plus, il y a une autre chose, c'est que, encore une fois, le travail du granit, c'est un travail qui coûte très cher, beaucoup plus que le marbre, parce que les outils s'usent beaucoup. Je vais faire un peu là-dessus. Ça fait des projections. Je vais faire un peu ici, là. Jusqu'à il y a 4 ans quand même, oui, de la sculpture. De temps en temps, je vendais quelque chose et puis ça devenait impossible. J'ai donc dû commencer à travailler un peu. Je fais un mi-temps dans un musée. J'espère bien l'arrêter dès que je peux, mais c'est indispensable pour le moment, oui. C'était pas facile, c'est-à-dire, j'étais devenue un peu sauvage aussi. Hein. Je m'habille pas quand je vais de chez moi dans mon atelier, je me dépêche, c'est tout. Maintenant, pour aller dans un musée, je dois me vernir les ongles, mettre des talons, je ne sais pas quoi. Je dois être tout à fait impeccable. C'était une très curieuse discipline, tout à coup, qui m'a peut-être même pas fait du tort, hein. C'est pas mal, comme dit Faust dans Goethe, deux âmes vivent dans ma poitrine, je peux dire deux corps vivent dans mon âme. Je dois donc être une femme élégante qui court au musée, qui est bien coiffée, et une autre qui travaille dur ici. Donc, c'est comme ça. Enfin, j'ai hâte évidemment de cesser ce travail. C'est vrai qu'il me faut plus de temps ici, donc je prolonge mes soirées parfois. Non, parce que sympa. C'est la boutique des artistes religieux. Ah bon? Ouais. Ils sont sympas? Moi, je suis allé des fois pour acheter des verres, du moment que... Ah, mais là, je vais rien leur acheter. Qu'est-ce que je dois leur acheter? Je dois m'acheter quoi? C'est pas mon petit verre de thé ou de thé. Non, parce que j'ai trouvé une boîte. Moi, c'est Bureau ça, Club, là, tu sais, de 91, ouais. Comme ça, ils peuvent me le taper. En ouais. Hébreu. Oui. Mais là... Moi, mais mes lettres, là, elles se lisent, là. Ils peuvent les trouver. Oui, mais ça, c'est bien. Mais moi... Je suis né dans la sculpture à travers des sculpteurs qui travaillent à la Ronde Bosse, donc j'ai appris leur langage et donc je parlais leur langage. Et ensuite, il a fallu que j'apprenne mon propre langage. Et donc c'était naturel que j'ai utilisé leur langage au début pour m'exprimer. Mais leur langage ne me convenait pas complètement et donc j'ai dû désapprendre. Je crois que c'est un terme qui est très important en art, c'est de désapprendre ce qu'on a appris pour trouver sa propre vérité, son propre langage. Et j'ai donc dû désapprendre ce que j'avais appris à travers les autres, c'est-à-dire la technique, j'ai gardé, mais la forme, le langage, j'ai dû désapprendre certaines choses. Donc le bloc, la ronde bosse, c'était quelque chose que je ne pouvais pas imaginer autrement à l'époque. Et après, petit à petit, j'ai éliminé, et pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est, je peux dire ça, c'est à peu près mon cheminement pour arriver. Il y en a un, je ne sais pas, celui-là, par exemple, il est un peu plus énigmatique. Celui qui est à côté du... Du cheval. Mm-hmm. Bah, je crois qu'ils cherchent tous à exprimer à peu près la même chose. Une image, c'est 1000 mots. Alors comment mettre des images en mots, ça, c'est un autre métier, c'est pas le mien. Mais un espèce de désir, un espèce de languissement. Comment vous dites en suédois languissement, de languir. Languir, quelque chose qui est à l'horizon, quelque chose qui est lointain, intouchable, impalpable. Le désir, en quelque sorte. Il y a une certaine nostalgie là-dedans aussi, c'est-à-dire de savoir qu'on ne pourra jamais atteindre le but. Pas le but, mais c'est-à-dire l'objet de ses désirs. Parce qu'une fois qu'on touche à son rêve, le rêve n'est plus un rêve, etc. Donc c'est important que les objets du désir restent à une certaine distance. De temps en temps. Beaucoup de gens touchent la pierre, d'abord parce que l'œil les invite à toucher la courbe, mais après les gens laissent la main comme pour vouloir réchauffer, et c'est insupportable que ça ne se chauffe pas. Ça, c'est un granit vert, c'est pas du granit noir, ça c'est du granit vert. Ça. Le risque avec des sculptures en rond bois, c'est que ça peut devenir un objet, comme un meuble qu'on garde au milieu d'une pièce, et ensuite, on ne la voit plus. Et elle devient un obstacle quand on va aspirer, ou passer l'aspirateur, ou un meuble, quoi. Tandis que je trouve une image a toujours quelque chose de... On peut passer devant sans la voir, mais elle a une autre présence. Et c'est la présence de l'image qui m'intéresse plus que l'objet. Il y a comme une obsession de la vague ou de... Oui, chez moi, vraiment, c'est très curieux. Et même si je voudrais m'en détacher, je crois que ça me reviendra toujours quelque part. C'est étrange. Là, j'ai fait des espèces d'échelles en marbre. Je vais en peindre une tout à fait en rouge. Je vais le faire. Mais les Grecs peignaient, hein, le marbre grec était peint beaucoup de fois. Oui, j'aime bien monter. Oui. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai vécu avec deux échelles dans ma chambre. Évidemment, elles venaient nulle part. Mais j'aime beaucoup les échelles. Je ne suis pas dans un mouvement de grande évolution consciente, pas du tout, pas du tout. Tout à coup, je peux même certainement regresser vers des formes très terre-à-terre ou atterrées par terre. Parce que je vais aussi exposer des flaques au sol, des espèces de caniveaux qui est au sol, qui est à 12 mètres. C'est du marbre poli, on dirait l'eau qui coule dans les rues de Paris un peu. Bon, ça peut aussi être un psychogramme si on veut. Un psychogramme, une espèce de courbure de votre pensée, mesurée, votre énergie, ou peu importe. Chacun pense ce qu'il voudra de ça. Mais ça correspond peut-être à une époque où je faisais tout au sol. J'étais totalement au sol. Je m'installais que par terre. Après, je me suis élevée un peu plus haut. Relevé, disons, pas élevé. Tu vois, par exemple, ça, c'est des galets que je ramasse qui sont extrêmement lisses. Et quand la terre est un peu plus sèche, à ce moment-là... Je lisse avec le galet pour faire rentrer la chamotte à l'intérieur. Ce qui donne après des patines comme ça. Si par exemple je fais un dessin, il n'est pas du tout dit que la pièce que je vais faire corresponde à ce dessin. J'imagine que c'est un peu la même chose quand on fait une recherche et qu'on a une hypothèse de recherche. Et puis une fois qu'on a fréquenté les gens, on s'aperçoit que que c'était pas ça qu'on cherchait, ou que c'était pas ça qu'il fallait dire. Et là, ça vient aussi en faisant. Donc c'est plus dans l'idée, avec la pierre, c'est comme la taille directe, c'est-à-dire ça se construit au fur et à mesure. Et avec la terre, c'est plus, comment dire, plus fou. On peut chercher... Il y a des pièces, quelquefois, qui me font peur, moi, quand je les ai finies. Il y en a que j'ai détruites. Une fois cuites ou crues. Quand elles sont cuites, il faut les taper à la masse. Elles sont très dures à démolir. Peut-être c'est pas que je cherche quelque chose ici, c'est plutôt que bon, j'amène mon monde avec moi partout. Mais ici, à Paris, il y a une sorte de concentration que je ne trouve pas ailleurs. C'est ça qui est pour moi le grand magnétisme, la fascination avec une grande ville comme Paris. Qu'il y a une sorte de concentration qu'on trouve gratuitement ici. Ce qui est intéressant, par exemple, pour ces échelles. Tu vois, elles ont 3 mètres, on ne peut donc pas les travailler debout, c'est beaucoup trop fragile, on ne peut pas taper contre une pierre mince qui est contre un mur. Donc, elle doit être sur des tréteaux couchés. Je dois donc la voir debout tout en la travaillant couchée. Mais c'est impossible. Alors, à chaque fois, je me suis rendu compte pour toutes les 3, je travaille, et puis évidemment, elles sont lourdes à manipuler, je ne peux pas faire ça à tout bout de champ, je dois bien réfléchir à quel moment. On me la met debout, donc, parce que je dois appeler 2-3 hommes. Donc, je la mets debout, et puis je suis dégoûtée ou estomaquée, c'est pas du tout ce que j'ai vu quand c'était couché, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc, je dois très vite la recoucher et refaire ce que j'ai pas vu quand c'est couché. Et tu pourrais pas la lumière, mais non, impossible. Il y a la lumière qui donne tout à fait un autre aspect, et l'œil regarde autrement une chose qui est face à lui qu'en dessous de lui, naturellement. Donc l'ombre soutient ou souligne, la lumière coule dessus ou bien soutient aussi un volume. Tout ça joue au point de ne pas reconnaître une pierre qui a été couchée et que tu mets debout. Par exemple, là, je fais des rainures très très régulières qui s'agrandissent légèrement, mais je fais ça vraiment à l'œil. Hein. Je ne prends pas un mètre pour mesurer. Et l'œil est infaillible. Là où je me suis trompée, je le vois tout de suite, une fois que c'est debout, bien sûr. J'ai fait, par exemple, des colonnes, des spirales, qui sont d'une régularité aussi assez... sans me vanter, bien faites. Alors, évidemment, un tailleur de pierre me dira « Ah, t'as pris un gabarit, etc. » Je dis « Ah non, pas du tout. Quoi ? T'as fait 100 gabarits ?» Il dit « Mais oui, j'ai fait 100 gabarits, bien sûr. L'œil voit tout. » Alors, ça, c'est très curieux. Évidemment, j'ai pas cette technique-là, non. Et, c'est quoi la technique du gabarit ? C'est-à-dire de faire un découpage en carton parfait et on contrôle à chaque fois est-ce qu'on va assez profond, assez loin, etc., etc. Ça m'ennuie à mort, donc je préfère risquer de me tromper et me rattraper. expérience comme une expérience mystique d'un carré. Et c'était quand nous avons habité 38 rue de Belleville dans cette petite maison. Et notre fille à l'époque, elle avait, je crois, 12 ou 13 ans et elle a eu son lit dans le grenier. C'était un petit escalier qui montait jusqu'à elle. Et assez tard un soir, j'avais tucked her in, dit « bonne nuit ». Et en descendant l'escalier qui était en forme de spirale, il y avait comme une présence devant moi, tout d'un coup, une sorte de présence que j'ai interprétée comme une forme carrée, noire. Là, j'étais hanté par l'expérience. Et je me suis mis à peindre cette forme de carré. C'est pas des carrés, hein, si tu regardes bien. Ce sont peut-être un carré un peu tordu ou avec des angles pas de 90 degrés. Et ça fait que ces formes ont une sorte de dynamisme vis-à-vis les bords du tableau, qui correspond peut-être à cette expérience que j'ai eue. Mais on peut aussi se servir de ces formes géométriques comme des écrans. C'est comme un écran qui cache quelque chose, comme... La couleur, le mot couleur veut dire aussi quelque chose qui cache, qui est comme une peau au-dessus d'autre chose. Et sûrement, il y a, si on regarde bien, je pense qu'on peut voir aussi qu'il y a toujours une sorte de lumière ou une aura autour de ces formes géométriques. C'est jamais complètement plat comme la peinture constructiviste ou géométrique classique. Ça veut dire que je suis un hérétique dans ce sens, parmi les constructivistes. Parce qu'il y a des tonalités, des auras, etc. Presque des ombres, on pourrait dire. C'est plus difficile à exprimer tout cela en peinture de l'huile, par exemple, sur une toile. Ça demande beaucoup plus de travail, de temps. Mais ça, j'en ai beaucoup de temps en Suède. C'est là que j'ai fait les huiles, ici à Paris. Tout le temps, je fais que des gouaches ici. Parce que c'est une technique aussi beaucoup plus rapide qui me permet de travailler avec beaucoup de peintures en même temps et de faire des retouches avec une rapidité très grande. Oui. Donc j'ai pas fait grand chose là-dessus. Et cette pierre, elle était belle telle que. Bon. Mais si je mets sur un socle, comme une sculpture, un caillou trouvé, bon, les gens vont dire, mais il se fout de notre gueule celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce bout de caillou? Donc, il fallait que j'y mette un accent, que je la rende visible. Voilà. Donc dans la vie de ce caillou, il y avait une face sciée et puis un début d'amorce de carottage qui est rond, hein, qui tourne rond, qui est un cylindre et qui est destiné à sortir une carotte, c'est-à-dire un cylindre de pierre. Voilà. Et puis le carottage était terminé là, donc il restait un cercle gravé. Voilà. Et puis on a avoisiné pendant des années avec ce caillou, et puis tout d'un coup, j'ai eu l'occasion de faire un buste de Marc Aurèle, qui est au Louvre. Donc je suis allé prendre des photos au Louvre de M. Marc Aurèle, et j'ai fait Marc Aurèle en pierre ici, voilà, dans une autre pierre, donc une pierre neuve. Et Marc Aurèle avait un médaillon, et c'était la lune. Et mais c'est ça qui attend le cercle gravé. Parce que si je fais une lune, la pierre devient comme un ciel. Et voilà, la pierre était dédouanée. Donc, ça y est, j'ai pu l'exposer, la montrer. Alors les gens tournent, qu'est-ce que c'est ce bout de caillou? Ah, t'as vu, petit bonhomme qui tire la langue. Ah, c'est la lune, et puis la pierre devient un ciel. vivais un petit peu en harmonie avec tous les voisins, mais on avait un problème. Moi, j'avais eu un problème. On a amené un camion juste devant ma porte et on a déchargé la plupart de mes possessions, si on peut dire, de mes œuvres. J'ai perdu 5 sculptures, plus des machines-outils et tout. Un jour, je rentre dans l'atelier, je retrouve... Mais attends, il y avait sur le sol, il y avait un truc, il y a ça et ça, il n'y a plus. Et j'ai réalisé un petit peu en... C'est un viol, enfin c'est un choc, parce qu'on se dit, mais attends, tout était presque comme avant, mais il y avait des choses qui manquaient. Alors on commence à regarder, en effet, on réalise qu'il y a eu quand même un vol. Bon, j'ai fait une déclaration de vol avec une description. 3 ans après, je reçois un coup de téléphone d'un certain commissaire à Nanterre qui voulait savoir si j'étais M. Prentice. J'ai dit oui. Il m'a dit, attendez, est-ce que vous n'avez pas eu un objet volé? J'ai dit oui, en effet. J'ai eu 5 sculptures volées, plus autre chose. Et finalement, on a retracé le nom sur la sculpture. Ils m'ont téléphoné en regardant dans l'annuaire. Ils m'ont trouvé. Et j'étais obligé d'y aller à identifier la sculpture dans un appartement d'un revendeur. Et ce revendeur, en fait, avait un appartement plein d'objets non identifiables. Par exemple, les briquets Dupont, des Nikon, des appareils de photo. Et évidemment, la seule chose qui a pu identifier le voleur en voleur, c'était le fait qu'il y avait un objet qui m'appartenait, qui était volé et qui était chez lui. Donc, par ce biais d'identification, j'ai dit, en effet, c'est à moi, en fait. On a retracé 3 des 5 sculptures volées. Alors, moi, je suis allé donc, à l'identification et j'ai porté plainte, évidemment. Et en espérant de retrouver les 2 autres. Et puis à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, si on retrouve les 2 autres, moi, je suis ravi et je porterai plus plainte. Les policiers un peu déçus parce que finalement, ils avaient trouvé quelque chose et quelqu'un qui était prêt à identifier leur bien. Ce qui n'est pas le cas, que j'ai appris. Et donc, une fois identifié, l'objet devient, c'est un petit microcosme de l'histoire. C'est un objet qui était volé, qui était perdu, qui réapparaissent, même court terme, de 3 ans au lieu de 300 ans, comme par exemple on retrouve dans les murs, dans le 5e, quand ils refaisaient des appartements, des fois on trouvait des éléments d'une autre époque, gothique par exemple, et il y avait pas mal de dans le remblai des murs. On trouvait, donc là, dans le court terme de 3 ans, on retrouvait un élément, et alors moi j'ai dit au juge, en fait, finalement, ce monsieur, en fait, c'est mon raison d'être, même qui m'a volé des sculptures et des possessions à moi. Parce qu'en fait, il a donné à sa femme un très beau bronze, qui était une pièce de 70 cm d'auteur, et à sa maîtresse, 2 petites sculptures en marbre. Et ces 2 petites sculptures, et le bronze, lui a identifié comme voleur. Donc c'était un peu une coïncidence étonnante de la vie que les choses qui n'ont aucune valeur, comme la sculpture, n'ont aucune valeur monétaire, enfin, sauf que c'est les marchands ou les grands sculpteurs de nos jours qui ont beaucoup de... derrière un système commercial qui protège leur prix, qui garde, si vous voulez, la valeur de l'œuvre. Mais normalement, la sculpture en elle-même, elle n'a aucune valeur. Et donc, là étant, il n'y a pas de valeur de revente pour le voleur, et il les a aimés, il les a donnés, et c'est ces choses qu'il a aimées, qu'il a données, qui n'avaient pas de valeur, qu'il lui a identifiées comme voleur. C'est un joli retour de passé. C'est ça, là, en fait. ACR, Atelier de création radiophonique. Des colosses aux pieds d'argile. Par Christine Delorme. Elisabeth Moritz, Anders Liden, Mictil Kaliski, Michael Prentice, Françoise Gavarini, Pierre Peignot, Éric Terret, Marc Rizel, Suzelle Gallia. Urban Sachs et les pas de Yasmina, Eva, Paola. Groupe de réalisation. Françoise Cordet, Jean-Claude Aimé, Philippe Carminati, Benjamin Vignal, Clotilde Pivin. Des colosses aux pieds d'argile. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 28 juin 1998. Vous pourrez réécouter cette émission durant 1000 jours en ligne ou la télécharger durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. I gambled on your love, baby, and got a losing hand. I gambled on your love, baby, and got a losing hand. Your ways keep changing like the shifting desert sand. While I was playing fair, baby, you played a cheating game. While I was playing fair, baby, you played a cheating game. I know you don't care, but I love you just the same. I thought I'd be your king, baby. Yes, and you could be my queen. I thought I'd be your king, baby. Yes, and you could be my queen. But you used me for your joker, 'cause I thought your deal was clean. The way you did me, pretty baby. Oh, I declare, I never understand. I gambled on your love, baby.